Un an plus tard, Fanny s'est installée dans sa nouvelle vie. C'est maintenant une jeune femme de la riche bourgeoisie du Vieux-Port. Elle s'est intéressée aux affaires de son mari. C'est elle qui surveille la comptabilité et les ouvrières. Maître Panis est devenu très coquet et il a grandement rajeuni. Quant à César et Honorine, ils élèvent le petit garçon avec une tendresse jalouse. En ce moment, ils sont assis tous les deux sur un banc dans les jardins du Faro et le bébé essaie de parler dans une voiture d'enfant dont le vernis et les chromes étincellent au soleil. Allez, bon. C'est un bon gendre, Maître Panis. Oui. Il est plus bien jeune, c'est vrai. Mais il gâte tellement la petite que finalement, bien... Finalement... Oui. Oui, c'est-à-dire que finalement, vous ne regrettez pas son mariage. Eh bien non, je ne le regrette plus. Évidemment, elle aimait beaucoup votre fils. Il a préféré d'aller chez les nègres. J'ai voulu naviguer. Navigue, imbécile. Et où est-il maintenant? Oh, je sais pas exactement. Il y a 3 semaines, dans sa dernière lettre, il était du côté de l'Inde, là-bas. Oui, c'était, ça me fait penser que j'ai reçu hier une lettre de lui. J'ai pas encore pensé à la lire. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a su qu'elle avait un bébé? Ah, je sais pas. Je lui ai pas écrit. Oh. Vous avez bien fait. Et des fois, elle vous en parle, elle, de lui? Bon, comme ça, en passant. C'est que maintenant, elle est mariée. Oui. Et elle en entend de son mari. Oui. De son mari. Oh, ça a été ma plus grande surprise. Quand elle m'a annoncé ça, j'ai été étonnée. Oh, mais moi j'ai été stupéfait, alors. Qu'est-ce qui aurait dit ça dans sa famille, ce qui est? Encore le dit, on sait rien. Mais qu'est-ce qu'il aurait cru? En tout cas, il a fait un bien bel enfant. Ah ouais, il est beau. Et quand je le regarde, je me demande s'il serait plus beau si c'était Marius qui l'avait fait. Bien sûr qu'il ne serait pas plus beau, ça on peut le dire. On peut le dire surtout quand il n'y a personne.